Au Nigeria, le Cercle d'études de la philosophie du Tutsé a organisé la séance de lecture du rapport d'activité du Comité central du Parti du Travail de Corée, prononcé à son 7e congrès par le maréchal Kim Jong-un. Y ont pris part les personnalités du Comité national d'études du kimilsonisme, Kim Jong-ilisme, du Cercle d'études de la philosophie du Tutsé, de l'Université d'Abuja, ainsi que les habitants. On y a projeté également le documentaire coréen « Drapeau du Parti du Travail de Corée ».